Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'École des hautes études commerciales de Montréal. Le centre de toute pensée économique un peu cohérente et un peu universitaire, un peu scientifique, où on formait des jeunes, c'est l'École des hautes études commerciales de Montréal. C'est en 1910 que l'École des hautes études commerciales de Montréal va accueillir ses premiers étudiants. L'ouverture de l'école va être fondamentale dans la formation d'une élite économique francophone. L'école va contribuer autant au développement d'une pensée économique spécifique au contexte québécois qu'elle va également contribuer à mieux préparer les acteurs économiques du Québec moderne. HEC Montréal est aujourd'hui l'une des grandes écoles de gestion dans le monde. Enfin, le commerce avait pignon sur rue. Il s'installait chez lui, avenue Vigée, dans ses meubles comme tout bon bourgeois. Le personnel n'était pas complet. Le principal, qu'on appela plus tard un directeur, et quelques professeurs, juste ce qu'il fallait pour ouvrir l'école. C'est en tremblant que le 20 septembre 1910, l'École des hautes études commerciales ouvrait ses portes. Elle répondait à des espoirs que le commerce avait exprimés et qu'avait comblés l'État provincial. Au fond, elle heurtait et allait avoir à vaincre des préjugés que ses professeurs, dans leur naïve conviction, ignoraient. Le comédien Jacques Leblanc, qui lit ici un texte d'Édouard Montpetit, qui sera l'un des plus illustres professeurs de l'École des hautes études commerciales de Montréal, extrait d'un texte d'Édouard Montpetit, présenté donc à l'émission Le Second Pouvoir en 1982. Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC, c'est Éric dans le contexte d'un mouvement plus large, un mouvement occidental aux États-Unis, en Europe. Il y a partout l'ouverture de grandes écoles de commerce. C'est dans ce contexte-là que naît cette idée. Exactement. HEC. Alors, HEC Montréal est très en phase avec ce qui se fait aux États-Unis et en Europe. L'idée d'une école de commerce, l'idée germe à partir du milieu du 19e siècle, l'idée d'école de commerce, puisque les entreprises deviennent de plus en plus complexes, grosses, il y a de l'intégration verticale, horizontale, et donc ça prend des nouveaux métiers pour gérer tout ça. Il y a aussi toute la problématique des ressources humaines, qui se, avec les disparités, les gouvernements interviennent, votent des lois, adoptent des lois, des normes minimales de travail, il faut gérer les ressources humaines, donc il faut des spécialistes pour ça aussi. Les grands hommes d'affaires deviennent philanthropes, font tellement d'argent avec la révolution industrielle qu'ils veulent redonner souvent, et donc ils vont financer des écoles de commerce qui souvent portent leur nom d'ailleurs. Ouais. C'est dans cet esprit-là qu'on voit germer un peu partout. En Europe, les premières écoles de commerce naissent vraiment en Europe. On en voit en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse. Et aux États-Unis, la première grande école de commerce ouvre à l'Université de Pennsylvanie et fonde la Wharton School of Finance and Economy en 1881. Ensuite, vous avez les universités de Californie, de Chicago, qui vont emboîter le pas en 1898. Alors, HEC Montréal, 1907, c'est pas complètement décalé, c'est tout à fait en phase avec ce qui se fait ailleurs en Amérique du Nord. 1907, c'est la fondation, 1910, l'ouverture des portes. Exact. Mais déjà, avant ça, dans ce contexte, la fin du 19e, l'ouverture de ces grandes écoles dont vous venez de nous parler, cette idée commence déjà à germer. Un mot peut-être avant de parler de la naissance de l'idée comme telle au Québec, à Montréal, sur le milieu ambiant, Éric. Dans quel contexte, ici, il en est où ce milieu économique ici, là, dans sa force, dans sa vitalité, dans sa manière de s'organiser? Alors, je pense aux hommes d'affaires francophones plus. Oui, ben justement, c'est que l'historiographie des dernières décennies a permis de nuancer un peu le tableau. Notre mémoire collective a retenu l'idée qu'il y avait une très grosse bourgeoisie qui était tout puissante à Montréal entre, en gros, 1850-1914, la Première Guerre mondiale. La bourgeoisie, vous savez, la grande bourgeoisie du Golden Square Mile, anglophone, qui contrôlait le Canadien Pacifique, le milieu financier, très, très puissante, les chemins de fer. Alors, cette grande bourgeoisie existait, en effet, elle était très présente dans le Montreal Board of Trade. Qui est Montréal, il faut le rappeler aussi, mais la métropole économique absolument, à ce moment-là. La métropole économique du Canada. Mais ce que l'historiographie des dernières décennies a bien démontré, c'est qu'il y avait une bourgeoisie intermédiaire, qu'on ne doit pas assimiler seulement à cette petite bourgeoisie professionnelle de médecins, d'avocats et de notaires, mais une bourgeoisie intermédiaire francophone qui, elle, évidemment, n'est pas tout à fait dans le coup par rapport à cette grande bourgeoisie du Montreal Board of Trade, qui veut tirer son épingle du jeu, qui est surtout constituée d'entreprises familiales, des gens qui sont aussi très présents dans le secteur foncier, qui achètent des immeubles, qui en revendent, dans le commerce du bois, ou une bourgeoisie qui est très forte dans certaines régions. Mais donc, une bourgeoisie intermédiaire, mais qui veut exister. Et c'est dans cet esprit-là qu'elle va créer à Montréal une chambre de commerce francophone en 1886. 1886, c'est un contexte assez tendu entre les deux communautés nationales à Montréal. Vous avez eu cette épidémie de variole à Montréal qui a tué près de 3000 personnes en 1885 et qui a été très, très forte dans les milieux canadiens-français surtout. Vous avez eu, évidemment, cette pendaison de Louis Riel en 1885 qui sème énormément d'émoi, qui rallie énormément de gens, ferveur nationaliste que va récupérer Honoré Mercier, qui va se faire élire en 1887. Donc, vous avez ce climat de tension entre les deux communautés. Et donc, en 1886, cette bourgeoisie intermédiaire va créer la Chambre de commerce francophone de Montréal et se donne donc un outil. Et il y a aussi des journaux, le Moniteur du commerce, qui est fondé en 1881, le Prix Courant, qui est fondé en 1886. Et donc, très rapidement, cette bourgeoisie, cette chambre de commerce francophone dit ben, il faudrait peut-être, en effet, se doter d'une école spécialisée, vouée au commerce, pour tirer davantage notre épingle du jeu. Il y a ce mouvement, donc on le voit bien, là, déjà. L'idée est lancée en 1890, l'idée d'une école. Oui. Donc, en 1890, vous voyez, c'est 8 ans après la fondation de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Donc, mais c'est très inspiré de ce qui se fait en Europe parce que cette bourgeoisie francophone est très francophile. Oui. L'idée est lancée par un certain Damase Parizeau. Mm-hmm. Alors, Damase Parizeau, c'est un commerçant de bois, c'est un ancien député conservateur et c'est surtout l'arrière-grand-père de Jacques Parizeau. Qui ira au HEC lui-même, non? Ah, absolument. Ouais. Jacques Parizeau est un pur produit des HEC. Voilà. Le père de Jacques Parizeau, Gérard Parizeau, a été un professeur et un diplômé des HEC. Ouais. Donc, 1890, c'est parti. L'idée comme telle est formulée de manière assez précise, mais ça va être long, Éric Bédard, entre le moment où naît l'idée et le moment où l'école va ouvrir ses portes. Il y aura un déblocage à un moment donné. Qu'est-ce qui va permettre ce déblocage? Alors, l'idée germe, il y a deux phénomènes, selon l'historien des HEC, Pierre Harvey, qui a été lui-même professeur à HEC, qui a bien étudié la question. Premier élément, il y a une négociation à la fin du 19e siècle, une négociation assez serrée entre le gouvernement britannique qui parle au nom du Canada et le gouvernement américain pour tracer la frontière de l'Alaska. On avait, en 1867, les Américains avaient acheté ce territoire aux Russes, mais il restait à tracer la frontière exacte. Et ce sont des diplomates britanniques qui vont faire la négociation. Et Henri Bourassa, député fédéral, à ce moment-là assez proche de Wilfrid Laurier, va impliqué dans les négociations. Lui et d'autres vont déplorer le fait que le Canada n'a pas une diplomatie bien formée. Sa propre diplomatie. Sa propre diplomatie et qui a des compétences au plan commercial. Donc, il y a un député libéral, un certain Honoré Gervais, qui va se faire l'ardent promoteur d'une école de commerce qui pourrait former ses agents diplomatiques au service des intérêts commerciaux du Canada. Et vous avez deuxième élément encore plus important. Et donc, l'idée va germer comme ça à la fin du 19e siècle, mais il n'y a personne qui reprend la balle au bon. Mais l'impulsion décisive, et ça, tout le monde s'entend là-dessus, elle vient d'un nouveau premier ministre qui est désigné en 1905. Il y a une petite révolution de palais au sein du Parti libéral du Québec à ce moment-là. On tasse l'ancien chef et c'est Lomergoin qui devient premier ministre, chef du Parti libéral et premier ministre du Québec. Il va l'être jusqu'en 1920. C'est le gendre d'Honoré Mercier, Lomergoin. Ses ancêtres viennent du comté de Portneuf. C'est quelqu'un qui a été directeur, il est proche des milieux d'affaires, il était directeur du Trust Royal, de la Banque d'épargne et de la Compagnie d'assurance Mont-Royal. Et aussitôt qu'il arrive en poste, il déclenche une élection partielle et dans son programme, il lance l'idée de créer vraiment une école de commerce au service des Canadiens français. Même un enjeu électoral. Donc, c'est important pour lui. Là, il comprend qu'il y a quelque chose, que ce geste-là va être politiquement important, créer une grande école de commerce pour les francophones. Il le sent rapidement. C'est pour lui un cheval de bataille. Il y va de façon très discrète et modérée. Il veut pas faire peur à tout le monde parce que, on y reviendra, mais créer une université ou une école de statut universitaire, certains disaient on était Hein, c'était de l'argent qu'on aurait dû mettre ailleurs. On dit encore ça encore aujourd'hui. Mais le journal Le Canada, qui soutenait les libéraux de l'époque, avait, dans le fond, se faisait l'écho de l'Homère-Gouin en disant qu'il fallait créer l'instrument nécessaire pour faire de nos aspirants négociants des hommes aussi renseignés, aussi au courant des problèmes économiques mondiaux que leurs concurrents de langue anglaise. Donc, l'Homère-Gouin reprend ce cheval de bataille et va de l'avant. Bon, et ce sera donc la fondation en 1907 par loi adoptée à l'Assemblée nationale. L'école, par ailleurs, ce ne sera pas encore tout à fait l'ouverture. Il faut la construire. Ça va être en 1910, en fait, que l'école va accueillir ses premiers étudiants. On écoute Éric Bédard, Esdras Mainville. Écoutez bien, il a étudié à HEC dès 1919. Il a enseigné à HEC dès 1924 et il va devenir directeur de HEC en 1938. Ça fait partie de son ADN. Oui. Il nous parle donc des débuts, Esdras Mainville, de l'école dans cet extrait d'entrevue diffusé en 1957. Qu'était-ce donc que l'école des hautes études commerciales lorsque mes camarades et moi-même nous y inscrivions au lendemain de la Première Grande Guerre? C'est-à-dire au moment où, au point de vue recrutement du moins, elle commençait à prendre son essor. Dans ses objectifs immédiats, c'était une école professionnelle destinée à former des auxiliaires du commerce et des spécialistes des principales fonctions des affaires. Mais considérée dans ses fins les plus larges, c'était une école d'économie appliquée destinée à former des industriels, des commerçants, des financiers, c'est-à-dire les restaurateurs et les bâtisseurs de l'économie canadienne-française. Faute d'une pensée économique et sociale déjà formée et d'un enseignement correspondant, faute aussi d'une expérience commerciale et industrielle propre au milieu canadien-français, et dont elle aura pu partir pour bâtir son propre enseignement, l'École des hautes études a dû s'inspirer entièrement de l'expérience professionnelle et pédagogique étrangère, notamment française et belge. Effectivement, l'immeuble lui-même, les programmes et les méthodes du début ont été reproduits de l'Institut supérieur de commerce d'Anvers. Alors, on le comprend bien, Éric Bédard, en écoutant cet extrait d'Esdras Mainville, vraiment, au début, l'idée, elle est là, mais il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de personnel, tout est à faire. Tout est à faire et il y a une ambiguïté sur la véritable vocation de HEC Montréal. Pour certains, ça devrait être une école universitaire d'économie appliquée, donc assez proche de l'esprit classique où on enseignerait le droit, la philosophie, l'économie politique, les mathématiques. Mm-hmm. Pour d'autres, ça devrait d'abord être une école de comptabilité. C'est ce que souhaite un certain Georges Gontier, qui est un des pionniers de la comptabilité au Québec. D'autres voient plutôt l'école, le HEC Montréal, comme une école technique, hein, tenue de livre. Parfait pour les commis des grandes entreprises. C'est fou parce que là, je vous écoute, puis là encore, on est dans le débat. Ce même débat existe toujours. Absolument, absolument. Mais cette espèce de flou va perdurer. Ouais. Mais quand même si le projet n'est pas tout à fait... tout le monde ne s'entend peut-être pas sur la vocation de HEC Montréal, on va de l'avant. Donc, on l'a dit, le 14 mars, la loi est adoptée. 5 personnes vont former le comité de direction, dont un principal, qu'on va nommer bientôt le directeur. Et ce premier... Le premier principal est un Belge, il vient d'Anvers, son nom est Auguste-Joseph Debré, il sera directeur jusqu'au tour de 1916, et on va offrir une bourse à Édouard Montpetit pour aller étudier l'économie politique et la géographie économique à Paris, à Sciences Po Paris. Il sera donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'un des premiers grands intellectuels des HEC Montréal. Bon, la création de l'École des hautes études commerciales, Éric, c'est une bonne idée. Plein de gens la soutiennent, mais plein de gens la critiquent aussi, cette école-là. On écoute à ce sujet l'économiste François-Albert Anger, qu'on entendait d'ailleurs au tout début de l'émission. Il nous parle d'un aspect, entre autres, qui soulève pas mal de critiques dans le milieu des affaires. L'idée dominait partout que c'était la pratique, que c'était par la pratique qu'on apprenait à faire des affaires. Ce qui nuisait au recrutement à l'école... En ce sens que les diplômés de l'école, à ce moment-là, n'étaient pas cueillis par les hommes d'affaires comme des gens dont on a absolument besoin. Au contraire, on les craignait. On craignait que ce soit des gens qui, ayant trop de théorie, essayeraient de s'imposer aux hommes d'affaires. Les hommes d'affaires craignaient plus ou moins que ce seraient des gens qui essayeraient de prendre leur place. Il y avait une méfiance générale en ça. Qui a fait que l'école a dû faire sa publicité, si vous voulez, se faire accepter. Il y a tout un travail qui a été fait par les premiers directeurs, à venir jusqu'à, il n'y a pas très, très longtemps, à venir jusqu'aux années 40. Ils ont passé une bonne partie de leur carrière à faire de la propagande, en somme, à faire des conférences, à aller dans les collèges, à parler partout pour démontrer l'importance des affaires modernes et la nécessité d'avoir une formation universitaire supérieure pour être capable de bien conduire les affaires. Assez fascinant, Éric Bédard. Vous en parliez il y a quelques minutes, là, dès la création de l'école, quelle orientation doit avoir cette école-là. Puis le débat, il est là, donc ça fait partie des méfiances au sein même du milieu des affaires de former des gens à HEC. Exactement, mais c'est l'opposition entre la théorie et la pratique. Qui existe encore, de fait. Qui existe encore. Les gens qui réussissent bien dans le monde des affaires sont souvent des self-made men, des entrepreneurs qui ont appris un peu sur le tas leur métier parce qu'ils étaient des visionnaires, ils avaient des bonnes idées, pas nécessairement formées dans le milieu du commerce. Alors, il y a cette méfiance qui persiste, mais au moment de la fondation d'HEC Montréal, ces méfiances-là n'étaient pas nécessairement celles les plus importantes pour critiquer ce projet. L'une des premières critique, c'était une critique, et étonnamment, cette critique, elle ne venait pas nécessairement de l'Église. L'Église était plutôt sympathique à l'idée. Le maire Gouin avait bien travaillé en coulisses, parce qu'on a cette idée que l'Église était contre tout ce qui était matériel, tout ce qui était économique, vive la spiritualité, Mais non, les attaques sont venues des milieux nationalistes plus conservateurs, notamment d'un certain Armand Lavergne, qui était l'une des figures de proue du nationalisme canadien-français, qui était très proche aussi d'Henri Bourassa. Parmi les critiques qui ressortaient, c'était que cette école était trop élitiste, disait-on. Au lieu de mettre tout cet argent dans une institution universitaire réservée à une poignée de jeunes gens, ce qui n'aurait pas été préférable d'investir dans ce qu'on appelait le primaire supérieur, l'équivalent pour l'époque du secondaire 1 à 3 technique, ou de mieux payer tout simplement les enseignants, ou de mieux financer les sections commerciales des collèges classiques. Ouais. Il faut voir que HEC Montréal avait eu la permission donc d'emprunter 300 000 $ pour construire ce bel édifice au coin de Vigée et Saint-Hubert, mais ça en a coûté 600 000. Donc on va trouver que ça coûte très très cher pour, au début, une poignée d'étudiants, on se comprend là. Alors, beaucoup d'argent pour une élite, c'est exactement, ça le discours. Exactement, première critique. Deuxième critique, est-ce que c'est pas une diversion? Est-ce que la véritable vocation du peuple canadien-français, c'est pas une vocation paysanne, une vocation rurale, une vocation agricole? Et donc, l'école des HEC allait être au service de ce monde nouveau, ce monde moderne, la ville, l'industrialisation, le grand commerce. Alors ça, c'était une deuxième critique qu'on entendait. Mais la troisième, la plus intéressante pour nous peut-être, la plus insidieuse, mais la plus étonnante aussi, c'était la peur des francs-maçons. Oui. Alors les francs-maçons, c'était une secte secrète qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est plus un club social. Mais il y avait une peur au début du 20e siècle des francs-maçons, qui étaient des anticléricaux notoires, qui étaient très forts en France, qui avaient téléguidé des lois de la séparation de l'Église et de l'État, qui avaient provoqué d'ailleurs l'exode d'un certain nombre de clercs français qui étaient venus s'établir ici, et donc qui alimentaient les peurs des francs-maçons. Pourquoi cette peur des francs-maçons par rapport à HEC? C'est que HEC Montréal est une école neutre au départ. Mmh. Une école qui relève directement de l'État. Et donc, c'est une école qui n'est pas affiliée encore, ça sera le cas à partir de 1915, à l'Université Laval de Montréal, qui, elle, avait une charte confessionnelle. Oui. Et donc, il y avait toutes sortes de soupçons qui circulaient en disant « Ah, HEC Montréal, un autre de ces projets mystérieux des francs-maçons. » Les francs-maçons francophones qui avaient créé une loge distincte de celle des anglophones qui était le Grand Lodge of Quebec. Alors, vous aviez une loge qui avait été créée pour proche de Grand Orient de France. Donc, il y avait ce type de rumeur-là. Et 1910, année de l'accueil des premiers étudiants, vous avez ce grand congrès eucharistique de Montréal. Donc, vocation de Montréal à être le phare du catholicisme en Amérique. Donc, beaucoup de résistance, beaucoup de critiques, beaucoup d'appréhension, mais quand même, HEC va naître, va se développer. L'école va devenir vraiment une institution de savoir où on va former l'élite francophone sur le plan économique, où on va aussi développer, Éric Bédard, une pensée économique proprement québécoise. François-Albert Anger, là-dessus, qui nous donne l'exemple, qui nous parle d'ailleurs du deuxième directeur d'HEC et de son importance dans le développement d'une pensée économique québécoise, Henri Lorez. C'est Henri Lorez qui est arrivé et dit, écoutez, une situation comme celle du Canada qui a seulement deux clients, qui achète seulement de l'Angleterre, puis des États-Unis qui vend seulement à l'Angleterre pour les États-Unis, ça n'a pas de sens. Alors, développement du commerce international, diversification des marchés, évidemment, ça n'était poursuivi dans le milieu anglais parce qu'il ne voulait pas le faire. mais c'est apprêché à l'école des hautes études par le directeur de l'école du temps comme une sottise, comme une affaire qui ne tenait pas debout. Et il y a eu un gros effort de fait par M. Lorenz avec la Chambre de commerce pour tâcher de convaincre nos hommes d'affaires de s'embarquer dans le commerce d'exportation, de regarder en dehors du Québec. L'avenir n'est pas à l'intérieur du Canada, avait-il tendance à dire. L'avenir, il est dans le grand monde. Il est en Afrique, il est en Asie. Il est partout où le Québec peut collaborer si nos hommes d'affaires vont chercher des clients puis s'organisent pour aller. Alors, ce genre de pensée-là, il y avait presque seulement qu'au Québec qu'on osait dire des choses comme ça. Ça allait tellement contre la tradition. Alors, c'est l'école des hautes études qui marche tout ça à ce moment-là. C'est intéressant, Éric Bédard. Oui, c'est intéressant. Et ce que je retiens, c'est qu'en effet, parmi la grande bourgeoisie de Montréal, celle du Golden Square Mile, il y avait une mystique impériale. Oui. C'est-à-dire qu'on était, et là, n'oubliez pas, ce deuxième directeur arrive en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Le Canada fait un énorme effort pour soutenir la mère patrie britannique. Il y a la moitié, je pense, du contingent canadien qui est né en Grande-Bretagne. Donc, on est au service de l'Empire. Alors, HEC Montréal n'a pas cette optique. Et c'est pour ça que très rapidement, on enseigne les langues, et pas seulement l'anglais, on enseigne diverses langues, on s'ouvre à ces réalités internationales, et ça, c'est une caractéristique de l'école tout au long du 20e siècle. Et ça montre qu'une perspective québécoise montréalaise avec HEC Montréal, puis ça montre aussi, puis on termine là-dessus, que contrairement à ce qu'on peut penser, assez rapidement, il y a une pensée économique, mais il y a un souci, une préoccupation de l'économie qui va naître au Québec francophone, oui. Bien avant Québec Inc., la Révolution tranquille. C'est très important, et cette filiation, vous l'avez avec Édouard Montpetit, Esdras Mainville, François-Albert Anger qu'on vient d'entendre, et quelqu'un comme Jacques Parizeau. Ouais. Jacques Parizeau est un produit. Et donc, quand Jacques Parizeau va mettre de l'avant toutes ses idées sur la caisse de dépôt et sur le contrôle de l'économie par les Canadiens français, il est l'héritier d'une longue tradition des HEC. Et aujourd'hui, donc, HEC, c'est 13 000 étudiants dans les trois cycles universitaires et c'est 82 000 diplômés. C'est quand même impressionnant. Éric Bédard, historien, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci, Éric. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Réalisation aujourd'hui, André Martineau, les recherchistes Caroline Morin et Marie Caillé, stagiaire à la recherche Caroline Desruisseaux, recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet Mathieu Arsenault, à la technique Tania Gancheva. Si vous voulez, si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire au singulier @radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, à la prochaine.